Ce que vous dites du feel good. Écoutez Chérie FM et changez d'état d'esprit, d'aller mieux, d'être un petit peu plus heureux. Chérie FM, feel good music. Avec Chérie FM, Kenji sera en concert super privé à Bordeaux le 30 janvier. Dès que vous entendez deux titres de Kenji à la suite, vous appelez le 3937, on vous offre le séjour et vos places. Kenji arrive juste après De Palmas, ça tombe bien, non ? Marcher dans le sable, se sentir coupable, dans les herbes hautes, c'est surtout de ma faute. Savoir dire tant pis, avoir juste envie, rester dans son lit, tout ça m'est interdit. Éponger ta peine, j'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines.

Ratatatatatatataï. Yeah man, special combination. Justin Shella, original tone. Yeah man, respect all time. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Moi je viens d'un. Que la vue était belle, je voulais juste en finir, n'en doute pas. Sur les hauteurs de Nice, je t'écris cette lettre. Tant de choses à te dire que je gardais pour moi. Tu sais, je me suis jamais vraiment aimé. Je t'ai maudit autant que je me haïssais. Ce soir-là, je voulais juste trouver la paix. Trouver la paix. Soit j'apprends à nager, soit je coule. Mon cœur à la mer lutte pour ne pas s'échouer. J'ai combattu les vents, les foudres. Les foudres. Mais sans toi, oui, sans toi, je serai encore ce chaos qui personne ne croit. Mais sans toi, oui, sans toi, je ne serais pas né pour la deuxième fois. Mais tu sais quoi, oui, tu sais quoi, si l'amour en fout, le chaos m'a fait roi. Car sans toi, oui, sans toi, je ne serais plus là. Garde en souvenir l'image de ce petit gars, excellent l'art de fuir tous ses combats. J'aimerais pouvoir lui dire qu'un beau jour tu verras, on te rendra ton sourire et tout ton éclat. J'ai rebattu mes cartes et fait face à mon esprit. J'ai reconstruit cette âme que t'avais laissée en ruine. La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie que je me suis bâtie. T'es ma côte de trop, j'ai cru m'innover. yeah. Je sens la tête de l'eau, je m'en vais. Mais sans toi, sans toi, je serai encore ce gars en qui personne ne croit. Mais sans toi, oui, sans toi, je ne serai pas né pour la deuxième fois. Mais tu sais quoi, oui, tu sais quoi, si l'amour en fout, le chaos m'a fait roi. Car sans toi, oui, sans toi, je ne serai plus là. Au fond, j'en veux à personne, tu sais. Car après tout, c'est la vie qui nous fait. Qu'est-ce qu'on est beau quand on est vrai. Mais sans toi, oui, sans toi. Mais sans toi, oui, sans toi. Je fais encore ce cas en qui personne ne croit. Mais sans toi, oui, sans toi. Je ne serais pas né pour la deuxième fois. Mais tu sais quoi. Oh, sans un

el hombre, tú la mujer, dos cuerpos en uno hasta más no poder. Tú quieres de mí lo que yo quiero de ti, ¿para qué esperar si ya estamos aquí? Rienda suelta a la imaginación, ya sabrás por qué mi hobby es el amor. Acuérdate de esto, aquí no hay secreto, otra copa más y acabemos con esto. Enamórame, acorrálame. Young boy. Values of humanity, whatever happened to the fairness and equality? It's just no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive, love is found. People killing, people dying, children hurt and crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek. world, world, yeah. We only got one world, and so we got one. Pas de concert avant 2026, on règle ça sur Chéri FM, oui. Chéri FM vous invite au concert super privé de Kenji. Kenji ne sera peut-être pas en concert avant 2026, c'est loin, mais vous êtes des privilégiés, vous le savez, sur Chéri FM. Ah oui, Kenji nous a choisi, vous a choisi pour un concert unique et ultra privé. Le premier concert super privé Chéri FM de l'année, Kenji sera à Bordeaux. Vos places, transport, hébergement à gagner à tout moment sur Chéri FM. Pour ça, eh ben, dès que vous entendez deux titres de Kenji à la suite, vous appelez le 39-37. D'ici là, bientôt 23h, la musique continue avec Shania Twain. Il y aura aussi Karol G, Imagine Dragons, c'est sur Chéri FM avant 23h. Hi, this is Shakira on Chéri FM. Comme vous. Hey, it's Bruno Mars. Ils ont choisi Chéri FM. Salut, c'est Matt Pokora sur Chéri FM. Moi qui ai des goûts plutôt éclectiques, j'en ai un peu pour tous les goûts. Je veux aussi écouter des anciens titres qui me font toujours du bien de réécouter les nouveaux, donc c'est ce que j'aime chez Chéri FM. Chéri FM, feel good music. Chéri FM. J'ouvre les yeux et puis je te vois. Est-ce que tu rêves ou est-ce que c'est moi? C'est quoi le jeu? Je sais plus, je sais pas. C'est quoi les règles? Quand tu t'en vas, et chaque seconde me brûle quand t'es pas là. J'ai fait le tour du monde, je te cherche à chaque pas. Quand je vois la nuit se mettre à tomber, le soleil se lève du mauvais côté. Je compte les heures, on peut se retrouver. Je veux voir le soleil de ton côté. Je ferme les yeux, je sais que tout va bien. Je sens le feu, jamais rien ne l'éteint. Et si je te vois errer de ton côté, je serai là, je saurai t'écouter. Chaque seconde me brûle quand t'es pas là. J'ai fait le tour du monde, je te cherche à chaque pas. Quand je vois la nuit se mettre à tomber, le soleil se lève du mauvais côté. Je compte les heures, on peut se retrouver. Cold and the cards all fold, and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all, and the bloods run kingdom come. ¡Empezó el verano! ¡Fuego! So you're a rocket scientist. That don't impress me much.

cherche encore ma voix. Oublie-moi, le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom me blesse? Yeah.

Il fait partie des nombreux artistes chez IFM qui vont partir en tournée cette année. C'est vrai qu'ils sont beaucoup, hein. Amir, ce sera fin 2025. Quand même un petit peu de patience. On l'écoute, Amir, juste après ce titre, Nelly Furtado sur chez IFM. Je tremble devant tes lèvres, il me semble que je fais bien de me taire. Tu fermes les yeux, je me perds.